Le quotidien coréen de Don Simon du Vite-Courant donne le commentaire titré « Qu'elle se dépouille de ses illusions ». Il indique notamment « Dans son allocution faite le 6 Courant à l'occasion du jour commémoratif des morts au champ d'honneur, Pakune a mis en cause de nouveau notre dissuasion nucléaire en l'accusant de provocations graves contre la paix au nord-est asiatique et dans le monde et d'obstacles à l'entente et à l'unité nationale ». Elle a insisté encore sur les sanctions et pressions au moyen de la collaboration avec la communauté internationale et sur le maintien de l'attitude de la défense alliée avec les États-Unis pour mener à la ruine notre République. Notre dissuasion nucléaire est le moyen de la justice préservant la paix et la stabilité de la péninsule coréenne, de la provocation d'une guerre nucléaire des États-Unis et contribuant à la paix en Asie Nord-Est et dans le monde. Elle est encore le trésor commun de la nation, défendant le sort de la nation et assurant sa prospérité. Pakune cherche ainsi à dénaturer la mission sacrée et le caractère pacifique de notre dissuasion nucléaire et à maintenir la collaboration contre notre République. Si la péninsule coréenne ne connaît pas encore la guerre, même sous les menaces de guerre nucléaire des États-Unis, c'est absolument grâce à notre puissante dissuasion nucléaire autodéfensive. Notre dissuasion nucléaire n'est point un objet à abandonner sous les sanctions et pressions d'autrui. Au lieu d'être en proie à la chimère qui mène à la ruine la Corée du Sud et elle-même, Pakune doit voir correctement la situation et se conduire avec raison.